Chapitre 5. Notre camarade le Peau-Rouge n'est rien moins que folâtre, disait à voix basse à son jeune ami Henri, le Parisien Nicolas. Je ne m'explique pas en effet la terreur que semble lui inspirer la vue de notre vaisselle en or. Ainsi que tu le disais tout à l'heure, quelques bonnes barres de fer ou d'acier feraient bien mieux notre affaire. Tu as grandement raison, reprit avec conviction Nicolas. Avons-nous eu assez de mal pour tirer de la terre notre minerai de fer pour le réduire, le battre, le marteler, en faire des lopins et enfin pour le transformer en acier? Si du moins le gisement n'était pas si éloigné. Heureusement que le temps ne nous manque pas, interrompit l'ingénieur. Ça, c'est vrai. S'il fallait buriner comme à Paris, piquer ses 10 ou 12 heures au lieu de 6, on ne tarderait pas à rester sur le flanc. C'est égal, nos haches et nos sabres, bien que peu élégants et de qualité médiocre, nous ont terriblement donné de peine. Quel malheur que l'or ne puisse pas remplacer l'acier. Quel métal bête que cet or. Je vous demande un peu à quoi ça peut servir. Mais à faire de la vaisselle et au besoin, quand l'acier manque, à façonner des pointes de flèches. Qui ne valent même pas les plus mauvaises pointes de fer, ça s'émousse, et l'extrémité se tord. J'aime autant une arête ou un court-mouri. Tu exagères, mon cher Nicolas. Tu as pris l'or en horreur depuis ton arrivée d'Europe, parce qu'en dépit de son abondance ici, il nous a été presque complètement inutile, je t'approuve pourtant, jusqu'à un certain point. Pour moi, pauvre sauvage blanc, qui ne put me faire aucune idée de l'importance qu'il possède en pays civilisé, je le range, sans aigreur, comme sans mépris, dans la catégorie de ces métaux qui, comme l'étain, le plomb et surtout le cuivre, sont susceptibles d'une grande utilité. Je le mets même au-dessus du cuivre, parce qu'il est inoxydable. Le Parisien se mit à rire en entendant cette opinion si rationnelle et si simplement formulée. « Pourquoi ris-tu ? » « C'est que ma pensée se reporte malgré moi aux jeunes gens de ton âge, qui dans les villes font si gaiement rouler et danser les échantillons monnayés de ce métal que tu veux bien condescendre à placer un peu au-dessus du cuivre. Puisque je te le répète, il est inoxydable. Et c'est ce qui me fait rire malgré moi. Nos cocodès ont bientôt fait d'oxyder les louis par douzaines et par centaines. Bah, je t'en réponds. Et tu conclus ? Je conclus que l'or est un métal absurde. Et que si en Europe on a hâte de se débarrasser du fer pour avoir de l'or, je donnerais bien 10 kilos d'or pour un seul de fer. Nous sommes donc absolument d'accord. Car c'est à peu près la valeur que j'attribue réciproquement à ces deux métaux. Madame Robin et son mari souriaient en entendant ces propos. Oui, mes enfants, dit à son tour la vaillante femme, vous êtes complètement d'accord et je vous approuve. Grâce à votre énergie, à votre intelligence, vous avez pu suppléer à tous les besoins de la vie. Vous avez restitué à tous les éléments matériels la place qui leur revient selon leurs valeurs et leurs mérites. Vous avez fait revivre sur ces terres désolées de la proscription ces temps primitifs appelés par les poètes l'âge d'or. Puisse-t-il durer longtemps ? L'âge d'or, reprit non sans beaucoup d'à-propos Nicolas, ce doit être le temps où l'or n'a aucune valeur et où l'on peut le mieux s'en passer. À propos, mon ami Jacques, que penses-tu de tout cela ? Toi qui ne dis plus un mot depuis l'apparition de notre cafetière, je ne puis concevoir l'impression sinistre que tu as ressentie à la vue de cet ustensile de ménage et des réflexions que sa vue t'a suggérées. Le jeune Indien releva lentement la tête, un long soupir sortit de sa poitrine oppressée. Il y a longtemps, si longtemps, dit-il d'une voix sourde, que les vieillards s'en rappellent à peine. La tribu des Aramichos, issue des anciens Caraïbes, était grande et puissante. Les abatis étaient nombreux, fertiles, bien entretenus. Les territoires de chasse semblaient inépuisables. Les hommes rouges vivaient dans l'abondance. Ils aimaient leurs enfants et respectaient les vieillards. L'or qu'on trouvait à profusion était employé comme ici aux usages les plus ordinaires. Nul n'en soupçonnait la valeur. Une pointe de flèche en or était préférable à une pointe d'os, un silex ou un court-mouri, parce qu'elle était plus solide. Un vase en or valait mieux que le couï, fait d'une calebasse, parce qu'il ne se cassait pas et qu'il allait sur le feu. Les couteaux d'or servaient à dépecer la chair plus facilement que les lames de pierre. Les Aramichos possédaient beaucoup d'or. Ils furent heureux, jusqu'au jour où les hommes blancs vinrent pour la première fois. Ces derniers devinrent comme insensés à la vue de l'or. Ils avaient des sabres d'acier, légers, solides, maniables, des haches qui tranchaient comme la moelle du fromager, les fibres de fer du crignon, du court-baril ou du panacoco. Ils avaient aussi des perles, des colliers, du tabac, des étoffes. ils échangèrent à vil prix leurs produits contre l'or des Aramichos. Jusque-là, tout était bien, et l'arrivée des hommes blancs n'avait porté nulle atteinte au bonheur des hommes rouges. Mais ils revinrent bientôt en grand nombre et apportèrent du tafia. Le chef but le premier l'infernal liqueur et devint fou. C'était un grand chef, bon, juste, honoré de tous. Le tafia en fit une brute. Les principaux guerriers burent aussi et devinrent semblables à lui. Le kashiri, le bikou et le wapaya ou haru, les anciennes boissons de nos pères, qui produisent une ivresse gaie, furent délaissés pour le poison des blancs, qui rend furieux. Ce fut une rage, un délire. Les abattis furent délaissés, la pêche et la chasse négligées. Les Indiens n'eurent plus qu'une pensée, chercher de l'or pour acheter le tafia. Les blancs multipliaient leurs envois et emportaient l'or. Les hommes rouges, bientôt incapables de travail, passèrent leur vie entière à boire. Ils employèrent les femmes et les enfants à la recherche du métal maudit et vécurent dans la paresse, vautrés comme les caïmans au milieu de la fange. Les femmes et les enfants ne voulurent bientôt plus travailler sans boire. L'autorité des anciens fut méconnue. Il y eut des rixes, des batailles, des luttes fratricides qui décimèrent la population. Hélas, la passion pour le tafia était déjà tellement invétérée que toute notion du juste et de l'injuste disparut. Les Aramichos, mourant de faim, à la veille de ne plus avoir d'alcool, se précipitèrent sur leurs voisins, ravagèrent leurs abattis et enlevèrent tout l'or qu'ils possédaient. De ce jour, ils furent maudits. La guerre éclaircit leurs rangs, et l'eau de feu tua ceux que le fer avait épargnés. Les Aramichos étaient plus de 2000 le jour où ils virent les Blancs. Aujourd'hui, il en reste 10. Mon aïeul était ce chef, qui but le premier verre de tafia. Je suis, moi, le dernier des Aramichos. Si cette race puissante était anéantie, n'est-ce pas l'or qui en est la cause? N'avais-je pas raison de vous dire que le secret de l'or est mortel? Il a tué mon aïeul. Il a tué ceux de ma race. J'ai échappé, grâce à vous, à la mort, mais je n'éviterai pas ma destinée. Le secret de l'or sera fatal au dernier des Aramichos. Les Robassons, péniblement affectés, avaient écouté, sans l'interrompre, cette lugubre et véridique légende, qui est, hélas, celle de toutes les peuplades indigènes de l'Amérique intertropicale. Cette race indienne, jadis si fière, si forte, et en même temps si douce et si hospitalière, aujourd'hui abattardie, est appelée à disparaître prochainement, grâce à l'avidité des Blancs, qui en échange de l'or ont introduit le poison de l'alcool. Jacques reprit une voix sourde, comme se parlant à lui-même. Il y a 10 ans, les Aramichos dégénérés ont voulu échapper à la malédiction. Ils avaient quitté leur pays pour se rapprocher des Blancs. Mais un jour, mon père voulut revoir le berceau de ses ancêtres. Il emmena sa famille et vint me prendre chez mon bienfaiteur. Nous retournâmes au pays de l'or et depuis ce moment, ils n'ont jamais vu d'Européens. Jamais une goutte de poison n'a touché leurs lèvres. Moi seul suis descendu à Saint-Laurent, mais je ne bois pas de tafia. Les autres, ayant peur de succomber, n'ont plus quitté les cavernes de l'or dont ils se sont constitués les gardiens. Ils habitent non loin de vous, à 3 jours à peine. Ils sont revenus à la sobriété, mais il est trop tard. Notre race maudite n'a plus de descendants. L'Indien se tut et regarda ses hôtes d'un air égaré. La sueur coulait de son front, ses dents claquaient. Un tremblement convulsif agitait ses membres. Les fatigues, les privations et les souffrances passées se répercutaient violemment sur son organisme. Une fièvre ardente se déclara. On le coucha dans un hamac. Le brave Casimir, toujours prêt quand il s'agissait d'une bonne action, s'installa près de lui et lui prodigua les soins les plus intelligents et les plus dévoués. Le malade ne pouvait être entre de meilleures mains. L'accès avait tout d'abord affecté le caractère pernicieux. Telle fut son intensité que pendant plusieurs jours, Jacques resta entre la vie et la mort. Sa jeunesse et sa vigueur, aidées des prescriptions du bon vieillard, triomphèrent enfin du mal. Le délire le quitta, le voile sanglant qui obscurcissait sa vue tomba, il était sauvé. La convalescence s'établit régulièrement, il était sur pied au bout de 15 jours, aussi alerte, aussi vigoureux que par le passé. Robin l'eût volontiers associé à l'existence des Robinsons. Mais le jeune homme fit valoir de si bonnes raisons qu'il ne jugea pas à propos de le retenir plus longtemps. On lui donna un sabre, un arc, des flèches, des provisions pour 3 jours, puis il partit, les larmes aux yeux, après avoir exprimé en termes touchants sa profonde gratitude. Il promit d'ailleurs de revenir bientôt. Il traversa la bâtie, gagna la forêt, s'orienta, grâce à son instinct d'homme des bois, avec autant de rectitude que s'il eût possédé les meilleurs instruments de route. Il retrouva, au bout de 20 heures, les débris de sa tribu, le jour même où Benoît, les forçats évadés et la troupe d'Akombaka se trouvaient en vue des montagnes de l'or dont les derniers aramichos étaient les gardiens. Les membres de sa famille semblaient en proie à une violente émotion. Si les chercheurs d'or ne soupçonnaient pas leur présence, ceux-là, en revanche, étaient depuis 2 jours avertis, sinon de leurs intentions, du moins de leur prochaine venue. Et quoi? Tant de peines seraient-elles perdues? Cette réclusion, à laquelle, depuis de longues années, il s'était condamné, serait-elle inutile? Le secret de l'or allait-il être une seconde fois violé? Jacques frémit en apprenant l'approche des Blancs conduits par des Indiens. Un secret pressentiment l'avertit que c'était ceux qu'il avait torturés jadis. Et quels autres que ces misérables auraient pu trouver ainsi cette retraite perdue au milieu de la solitude sans fin? Combien il regretta son imprudence et cette fatale confidence dont il avait cru faire dépositaire son seul bienfaiteur. Il restait songeur et répondait avec une pénible préoccupation aux questions de son beau-père. Celui-ci, taillé en force, les membres énormes, de haute stature, possédait une vigueur que l'on rencontre rarement chez les Indiens. Phénomène plus extraordinaire encore, ses longs cheveux étaient devenus blancs de neige. Ils tombaient en longues mèches sur ses épaules et tranchaient crûment sur sa face rouge de brique, aux traits durs, à l'expression farouche. Il dépassait de toute la tête les autres membres de son petit clan, qui, régénérés par une existence de grand air et de sobriété, possédaient la fière mine qu'avaient leurs ancêtres alors qu'ils étaient les maîtres des grands fleuves. Ils étaient 7 hommes, le nouveau venu compris avec sa femme, la jeune Alema, le père et la mère de celle-ci, et la sœur de son père. Ce dernier, le vieux Panaolin, dont le nom est bien connu encore aujourd'hui des riverains du Haut Maroni, jetait sur le jeune homme des regards soupçonneux. « Mon fils, » dit-il d'une voix lente, « viens encore du pays des Blancs. Mon père a dit vrai. J'ai voulu revoir celui qui m'a nourri, malgré ma défense. » Jacques baissa la tête et répondit doucement. « La reconnaissance est la vertu des hommes rouges. La vertu de l'homme rouge est l'obéissance aux ordres de son père. L'homme blanc n'est-il pas aussi mon père? Il fallait rester près de lui, au lieu de prendre pour femme la perle des aramichos. La langue de mon fils est-elle fourchue comme celle du Boissinenga? Puisqu'il a 2 pères, n'a-t-il pas aussi 2 femmes? Veut-il être ici le maître de la femme rouge et là-bas l'esclave de la femme blanche? » Alema s'approcha et darda sur son jeune époux un regard soupçonneux. « Que mon fils réponde. » « Mon père sait bien qu'Alema possède tout mon amour. Le fils de Panaolin s'abasserait-il au mensonge? Le fils de Panaolin n'a jamais menti, » reprit fièrement, « quand mon père entend la voix d'un homme libre. » « Un homme libre ? » dit d'un ton sarcastique le terrible vieillard. « Non, mon fils n'est pas libre. Mon fils est l'esclave du blanc, qui est lui-même l'esclave de la femme. L'Indien n'a pas de maître, il est le maître de la femme. » Quand la femme de l'homme rouge veut manger l'aymara ou le kumaru, l'homme dit « Mets le canot à l'eau, embarque. » Elle prend la pagaie, l'homme jette l'appât, le poisson vient, il le flèche, puis il dit « Fais-le cuire. » Quand il est cuit, l'homme mange, quand il n'a plus faim, la femme mange. Si elle veut manger le pâque ou la goutti, l'homme dit « Viens. » Et elle le suit dans le bois. L'homme siffle, l'animal accourt, il tombe percé d'une flèche. L'homme dit à la femme « Va le chercher, allume le feu. » Quand le gibier est cuit et que l'homme a mangé, la femme prend son repas. Tandis que le blanc, continua-t-il avec un indescriptible accent de dédain, va à la chasse tout seul, il fait son feu, rapporte son gibier, le fait cuire pendant que la femme reste dans son carbet. Quand le repas est apprêté, il donne à manger la femme avant lui. Tu vois bien que le blanc est l'esclave de la femme, et toi tu es l'esclave du blanc. Le jeune Indien, embarrassé par la subtilité de cette dialectique sauvage, répondit avec confusion, « Mon père l'exige. Je ne retournerai plus chez les Blancs. Il est bien tard. Si mon fils se conforme aux ordres de son père, n'est-ce pas parce qu'il sait que les Blancs sont ici ?» Jacques frissonna et garda le silence. Les 3 femmes et les 6 hommes, spectateurs de cette scène, laissèrent échapper un cri de colère. « La paix, enfant, » reprit le vieillard, « un danger nous menace. Abandonnons nos carbets. Prenons nos provisions et réfugions-nous dans la caverne. C'est là que nous devons mourir en combattant si nous ne devons pas être libres. ces différents préparatifs, accomplis avec une grande célérité, les membres de la petite troupe pénétrèrent dans un réduit obscur, dont les moindres recoins leur semblaient depuis longtemps familiers. Le chef entra le dernier, déplaça sans effort une énorme roche que deux hommes eussent à peine pu remuer, l'immobilisa à l'aide d'un tronc d'arbre encastré dans deux gorges latérales, puis il alluma une torche. La flamme fuligineuse provoqua tout à coup une colossale incandescence. La voûte, les parois, le sol lui-même flamboyèrent de toutes parts. La lumière ruissela comme sur des coulées d'or, et les moindres aspérités de la roche réfléchirent de fauves rayons sur lesquels rougeoyaient par places les lueurs sanglantes de la torche. Les Indiens, muets, les traits farouches, allumèrent bientôt chacun un fanal semblable à celui de leur chef. Ce fut alors un éblouissement, une fulguration. La caverne, avec ses piliers trapus, ses voûtes lointaines, sembla en or massif. On eût dit une bulle de métal solidifiée soudain après s'être échappée du bouillonnant creuset de la nature. Hommes et femmes, insensibles à ce spectacle féerique, marchaient lentement, enfonçant parfois jusqu'aux chevilles dans une poudre fine, sèche, friable, qui s'attachait à leurs jambes, et les plaquait de tons d'or pâle, sous lesquels rutilait leur épiderme empourpré par le roucou. Le chef fit un signe. Tous s'arrêtèrent en un point où la voûte s'élevait en forme de coupole, et fichèrent leurs torches entre les anfractuosités de la roche. Au loin grondait le vague tonnerre d'un torrent souterrain qui semblait se perdre dans le sol même de la grotte. Ça et là, des gouttelettes filtraient le long de la paroi dont elles avivaient encore l'éclat et tombaient sur le sol avec un faible clapotis. « C'est ici, » dit-il d'une voix solennelle, « le dernier asile des Aramichos. Que jamais les blancs avides n'en franchissent l'entrée. Que les ennemis de ma race meurent, s'ils osent le souiller de leur présence. Meurt aussi le traître qui révélera le mystère de notre retraite. Que ma main se dessèche, que mon bras tombe en pourriture, si je viole jamais ce serment que je prononce le premier. » Les membres de l'assemblée répétèrent l'une après l'autre de leur voix lente et grave cette formule. Jacques jura le dernier, avec un accent étranglé, symptôme d'une violente émotion, d'un remords peut-être. « Et maintenant, » termina le vieillard, « que mes fils se réjouissent. » Les apprêts de cette réjouissance furent étranges. Pendant que les femmes s'empressaient de préparer le vicou, les hommes ouvrirent leur pagara, en tirèrent chacun un petit couillis imperméabilisé avec du mani, soigneusement bouché avec une vessie de poisson et renfermant de la graisse de coata. Ils s'enduisirent des pieds à la tête de cette graisse, puis, comme saisis tout à coup d'une frénésie folle, se jetèrent à corps perdu sur le sol, se roulèrent en poussant des cris farouches dans le flot de poussière dorée, se tordirent en proie de violentes convulsions, soulevèrent pendant quelques minutes un nuage fauve dans lequel ils disparurent. Quand le nuage tomba, les sept hommes semblaient autant de statues d'or massif, divinités animées de ce temple de métal. Les vases remplis de vicou attendaient déjà, symétriquement rangés, le bon plaisir des buveurs. Jacques allait, comme les autres, ramasser une des calebasses et la vider, quand sa femme, la belle Aléma, s'en vint, les yeux brillants, la bouche doucement souriante, lui présentait la coupe végétale. « Que l'ami de mon cœur boive la liqueur versée par sa bien-aimée. » Le jeune homme ébloui, radieux, absorba d'un trait l'enivrant breuvage. La danse et les cris reprirent avec acharnement, presque avec fureur. Les Indiens fêtèrent abondamment mais sans excès la boisson de leur père. Tout entier à leur plaisir, ils semblaient tenir à l'honneur d'éviter l'ivresse. Seul Jacques, qui avait à peine bu, perdit complètement son sang-froid. Il se mit à parler avec une étrange volubilité. Après avoir prononcé des phrases sans suite, émaillées de mots incohérents, ses idées semblèrent prendre corps. Il raconta, sans en omettre la moindre particularité, son voyage à Saint-Laurent, les confidences qu'il fit au docteur V et au commandant, relativement au secret de l'or, son enlèvement par les forçats, les horribles traitements infligés par ceux-ci, ainsi que le but de leur voyage, enfin sa libération par les Robinsons de la Guyane. Sa confession fut complète. Il parlait avec une sorte d'entraînement irrésistible et douloureux, provoqué peut-être par un de ces breuvages dont certains Indiens possèdent le secret. Ses compagnons, impassibles comme des hommes en métal, écoutaient ses révélations sans un sourcillement, sans la moindre apparence d'émotion. Jacques, épuisé, haletant, la bouche ardente, prononça encore quelques paroles entrecoupées et put à peine râler ces deux mots « à boire », tant son ivresse parut violente. Panaolin dit « C'est bien, que ma fille donne à boire à son époux. » Alima sortit de la pénombre, s'avança pour un vase plein, le tendit au jeune homme d'une main ferme en dardant sur lui son regard aigu. Jacques but avidement et s'assit sur le sol, hébété, les yeux mornes, regardant sans voir, écoutant sans comprendre. Le vieux chef fit un signe. Les hommes prirent leur pagara et s'enfoncèrent à sa suite au fond des galeries à peine éclairées de lueurs vacillantes. Ils reparurent après une absence assez courte, traversèrent le grand carrefour, chargés à plier de leurs paniers indiens, et sortirent de la grotte après avoir déplacé la pierre. Ils firent plusieurs voyages analogues, sans paraître remarquer la présence d'Alima, qui tenait sur ses genoux la tête de son époux endormi, peut-être ivre-mort. Ils entrèrent une dernière fois, portant les pagaras vides. Panaolin marchait le dernier. Il alla prendre dans une sorte de niche un fusil à deux coups, que le docteur V eut reconnu pour être celui dont il avait fait cadeau à Jacques lors d'un de ses précédents voyages. Il s'assura que l'arme était chargée, pendant que ses compagnons saisissaient leurs arcs, leurs sabres et leurs flèches. Le vieillard reprit. « Le trésor des Aramichaux est en sûreté. Le secret de l'or sera bien gardé. Venez. » Les torches s'éteignirent subitement, et la grotte mystérieuse rentra dans l'obscurité. La question de Benoît, relative au chasseur qui chargeait son fusil avec des balles d'or, demeura sans réponse. Qu'apportait à Kumbaka et à ses hommes la matière du projectile trouvé dans les muscles du tapir? Il y avait là une montagne de chair dont il fallait avoir raison. Aussi les maxillaires et les estomacs des peaux rouges travaillaient-ils avec une activité sans égale. La nuit entière et la journée du lendemain furent employées à cette besogne, à laquelle la présence du sorcier mort donnait un caractère doublement sain et obligatoire. Les honneurs funèbres peuvent, le cas échéant, être rendus sous forme solide ou liquide, suivant l'occurrence. L'important est qu'il y ait surabondance dans l'absorption. De souvenirs d'Indiens, jamais mémoire ne lui fut aussi copieusement honorée. On y employa tout le temps nécessaire et les incommensurables qualités digestives des membres de la tribu furent mises à complète contribution. Enfin, les canaries étant épuisées jusqu'à siccité et la carcasse du maïs pourri nettoyée comme par les fourmis manioc, Benoît, qui rongeait son frein, vit arriver le moment tant désiré. Il prit bravement la tête de la colonne et s'avança vers cette caverne dont la bouche obscure s'entrouvrait sur le flanc sud-ouest de la première colline. Les Indiens semblaient mollir. Akumbaka n'était rien moins que rassuré sur l'issue de cette entreprise à laquelle il trouvait certains côtés scabreux. Somme toute, le mort avait été plantureusement regretté. Son trépas, bien que très brusque, n'avait rien de prématuré, il était si vieux. N'avait-il pas d'ailleurs un successeur? Enfin, sa dépouille devenait passablement encombrante. Était-il si urgent de rechercher et de punir, sans même avoir le temps de respirer, l'auteur de cette catastrophe déjà réparée? Tel n'était pas l'avis de l'ancien surveillant qui se mit pour tout de bon en colère et menaça le chef tremblant de nouveaux maléfices. Puis, comme Benoît connaissait à fond ses auxiliaires, il se hâta de les remonter avec le viatique obligatoire, le tafia. Toute hésitation cessa. Le tambour en peau de cariacou sonna comme un gong et les flûtes en bambou glapirent. Le sentier escarpé conduisant à la grotte fut franchi. L'aventurier s'avança le premier, le sabre d'une main, une torche de cirier de l'autre. Les peaux rouges suivirent en vociférant. Ils arrivèrent éblouis au carrefour, toujours précédés du blanc que l'émotion suffoquait. Les hurlements s'arrêtèrent, et un lugubre silence s'établit tout à coup. La terreur sembla envahir le chef rouge et les guerriers. Benoît lui-même, malgré son âpreté, ne put arrêter un cri de stupeur à la vue du corps roidi de Jacques, étendu sur le dos, les bras écartés et semblable à une statue d'or arrachée de son piédestal. « De l'or !» s'écrient les bandits émerveillés, sans plus s'occuper de l'Indien. « Mais non, imbécile, c'est du mica, ça ne vaut pas deux sous la tonne, » dit Benoît. Il se baissa rapidement, souleva le corps pour s'assurer si une étincelle de vie l'animait encore. Il approcha sa torche des yeux grands ouverts. Nul mouvement n'agita les paupières. Nulle contraction ne modifia le volume de la pupille dont la dépression formait comme une perle noire enchâssée dans le marron foncé de l'iris. Benoît semblait désespéré. N'allez pas croire pourtant à une subite conversion du coquin. L'humanité restait absolument étrangère à ce mouvement spontané. Cette idée de la recherche d'un dernier souffle d'existence provenait de son insatiable cupidité. Il soutenait d'une seule main, passé sous l'occiput, ce corps rigide appuyé sur les talons et formant avec le sol un plan incliné de 25 à 30 degrés. « Il est mort !» dit-il d'une voix sourde. « Décidément, il est mort. » Puis, sans essayer de deviner par quel concours de circonstances il se trouvait dans cette caverne et dans quelles conditions Jacques avait succombé, il ajouta. « Drôle de costume. Le voilà proprement habillé en bon Dieu de l'or. Il est bien avancé. Et nous aussi, » termina-t-il en laissant aller le cadavre qui tomba avec un bruit sourd. Les forçats fugitifs regardaient avec des yeux stupides cette caverne étincelante, si extraordinairement transformée en caveau mortuaire. La vue de ce temple de l'or, objet de tous leurs désirs, de cet homme mort qui en semblait la divinité détrônée, les frappait d'une sorte d'épouvante. Les Indiens, les jambes molles d'ivresse, gardaient un silence plein de terreur. La voix de l'aventurier réveilla les échos de la grotte. « C'est le dernier tour que ne jouera l'animal, » dit-il furieux, comme toujours. Un Peau-Rouge mort ne vaut pas mieux qu'un fagot en vie, et moins qu'un chien sur ses quatre pattes. C'est assez de nous occuper de ce museau de casserole. Nous sommes au milieu de la place. Il s'agit de trouver le coffre-fort. Ça ne sera guère difficile à crocheter, reprit d'un ton délibéré Bonnet, qui devait à sa dextérité dans la manœuvre du Rossignol et du Monseigneur la faveur d'un logement gratuit en Guyane. Ils doivent avoir mis leur cagnotte dans quelque trou, et ce sera peut-être le diable à trouver. On ne pourra pas chercher dans un vieux bas, dit de son air bête Tinguy, la brute, un breton, qui avait assommé à coups de chenet sa vieille tante, pour lui voler ses économies cachées dans un bas enfoui dans la paille du sommier. Cette plaisanterie de haut goût, généralement appréciée dans les bagnes, où les bandits aiment à raconter leurs exploits, n'eut pas le privilège de dérider le chef. Ce lascar-là ne devait pas être seul. Il aura fait la noce avec ses camarades, puis, au dernier moment, on lui aura flanqué le coup du lapin. « Akumbaka, à quelle tribu appartient cet Indien mort ?»« À Ramicho, » répondit sourdement le capitaine. « Tu le connais ?»« Oui. »« Qui est son père ?»« Grand chef, il est mort. »« La femme du jeune Indien. »« Ah, il avait une femme. »« Oui, la fille de Panaolin. »« Grand piaille, » dit Akumbaka d'une voix éteinte. « Sais-tu pourquoi il est ainsi couvert de cette poudre jaune ?» Le Peau-Rouge en proie à la plus vive terreur ne put répondre que par un signe négatif. « Rien à tirer de ces brutes, » dit à ses compagnons Benoît dépité, « cherchons nous-mêmes. Un fait reste acquis. Bien que cette poudre jaune ne signifie rien, nous pouvons être certains que l'or est ici. Je parierais que ces vermines d'Indiens nous voyant venir se sont enfuis, après avoir tué celui-ci pour lui faire payer notre arrivée. Mathieu, donne donc encore un coup de sec à ces poltrons pour leur remettre le cœur à l'épaule. Maintenant, mes agneaux, en chasse. » Les Indiens, ragaillardis par la rasade, se mirent en marche en titubant la suite des aventuriers qui s'enfoncèrent sans hésiter dans les galeries latérales. Le bruit du torrent devenait de plus en plus fort, et les quatre hommes n'avançaient qu'en scrutant minutieusement le sol dans la crainte de rouler dans quelque excavation. Ces précautions n'empêchèrent pourtant pas Benoît de buter contre un corps dur et de s'abattre rudement en proférant un juron. « Triple imbécile, et je l'ai berlu !» grogna-t-il en se relevant furieux, la barbe poudrée de Mika. « Il y a donc des pavés ici. »« Des pavés ?» hurla Bonnet. « Je voudrais bien marcher à l'assaut d'une barricade construite avec des pavés comme celui-ci. »« Tiens, regarde » dit-il d'une voix qui n'avait plus rien d'humain. « Mais regarde donc !» Et ses doigts tremblants soulevaient un lourd morceau de métal, de forme irrégulière, sur lesquels les torches flamboyaient étrangement. « De l'or. Cette fois-ci, c'est bien de l'or, n'est-ce pas, Benoît ? Dis-nous que c'est de l'or !» La joie des forçats était bruyante, folle, délirante. Ils se prirent à danser et à vociférer. Celle de Benoît était plus calme en apparence, mais plus violente peut-être. Il pâlit, et son regard fasciné, hypnotisé, ne quitta plus la pépite. « Oui, c'est de l'or, » dit-il enfin d'une voix chevrotante. « Donne, que je vois aussi, de plus près. » « Sacrebleu ! La joie me casse les jambes et m'ôte les idées. Ça m'entoubait de devenir riche. Tu es bien sûr que c'est... « Oui, te dis-je, c'en est, oui. » Ça pèse plus de 3 kilos, et ça vaut 10 000 francs comme 1 liard. » Les hurlements et les cabrioles recommencèrent de plus belle à l'énoncé de ce chiffre fastueux, ainsi qu'à la grande stupéfaction des Peaux-Rouges qui ne comprenaient rien à cette subite explosion. « Moi, » dit Tinguy, soufflé, haletant d'émotion, « la joie m'altère. Je m'en vais boire un bon coup. »« Non !» riposta impérieusement Benoît. « Tu boiras plus tard. Nous aussi. Pour le moment, cherchons. Quand notre affaire sera bâclée, on s'amusera. » « Tiens, Mets ce jaunet dans ton sac et continuons nos investigations. Oui, chef, tu as raison. Il ne s'agit pas de boire. Moi, quand je suis boissonné, je perds la tête. Si on allait nous voler. Sans s'arrêter à ce que cette preuve de confiance avait de particulièrement flatteur pour l'association, le chef interrogea minutieusement le sol et reconnut de légères empreintes de pieds nus. Ah, nous brûlons, je tiens la piste. Il se courba brusquement, ramassa quelque chose qu'il tendit à Tanguy. Serre encore ce petit jaunet, pour ne pas en perdre l'habitude. C'était une pépite d'environ 100 grammes que le caissier improvisé déposa dans sa besace de toile. Pareil que ça fait des petits. J'aimerais mieux des gros. N'importe, nous ne perdons pas notre temps. Tiens, encore un. Mais c'est donc le chemin du petit pousset. Sacrebleu. Quoi donc, la cagnotte, le coffre-fort du notaire, le vieux bas de ma tante. Taisez-vous donc, tas d'animaux, je vous coupe la gorge. Le magot est envolé, la cachette est vide. Une triple exclamation de rage et de désappointement domina le bruit du torrent souterrain. Plus de doute, une excavation de moyenne dimension, tapissée de larges feuilles sèches de bananiers, était pratiquée dans le sol, au pied du dernier pilier, au ras de la crique, dont les eaux tourmentées roulaient étincelantes entre les roches. Le trou était vide. La présence de quelques fragments d'or gros comme des grains de blé, abandonnés entre les nervures des feuilles, attestait la précipitation du déménagement. « Volés ! Nous sommes volés !» hurlèrent-ils furieux et désespérés. « Non, ce n'est pas possible. Cette cachette n'est pas la seule. Il doit y en avoir d'autres. Cherchons, partout, dans tous les coins. Oui, c'est ça. Les peaux rouges vont nous aider. » Malgré leur répugnance, Akambaka et ses hommes ne refusèrent pas leur aide aux aventuriers. Pendant plus de 4 heures, les bandits, soutenus par le fol espoir de retrouver ce trésor dont un seul échantillon leur indiquait l'opulence, fouillèrent tous les recoins, retournèrent le sol, sondèrent les piliers, mais en vain. Leur acharnement fut inutile. Leur déception se traduisit de façon curieuse. Tanguy, la brute, pleurait comme un enfant. Il sanglotait à pleine gorge et de tout son cœur. Bonnet, l'être froid, à la face et à l'allure de reptile, semblait avoir perdu la raison. Sa colère terrible se manifestait en hurlements inarticulés. Mathieu, être nul, passif instrument des complices qu'il avait envoyé au bagne, incapable d'une résolution quelconque, répétait d'un air idiot « Ça ne se passera pas comme ça. Oh, mais non, ça ne se passera pas comme ça. » Quant à Benoît, les yeux luisants, la face empourprée, les veines du cou gonflées comme des cordes, il était effrayant. Il avait seul conservé une apparence de sang-froid. Il devait faire un terrible effort sur lui-même pour se garrotter ainsi et imposer silence à son habituelle brutalité. « La paix » criait-il enfin d'une voix tenante. « Quand vous aurez fini de brailler, nous sommes volés, et bien après ? Croyez-vous retrouver le magot en beuglant comme des singes rouges ? Sans Dieu ! Je suis toujours le vieux chercheur de pistes. Nous allons sortir d'ici, nous mettre en chasse, prendre la trace des voleurs. Je veux avant 2 jours les avoir retrouvés, et alors je vous promets que vous en verrez de belles. En attendant, il faut nous refaire l'estomac. Ce n'est pas en jeûnant que nous acquérons les forces nécessaires. Allons hop, du train ! Le temps est précieux. » Les provisions furent étalées à terre et le repas auquel prirent part les Indiens commença. La fureur de l'aventurier était tombée comme par enchantement. Ce coquin était vraiment homme de ressources. Décidément, rien n'est perdu. Akambaka et Selaskar vont encore rester avec nous. Il faut qu'ils se débarrassent de la carcasse de leur piaille. Je vais tâcher de le leur faire enterrer ici. Ce bonhomme-là devient encombrant. Quant à notre peau rouge, ce sera plus facile. Nous pouvons aisément l'envoyer faire un tour dans la rivière. Ce n'est pas la peine de laisser empoisonner cette caverne sur laquelle j'ai des projets pour plus tard. Quel projet ? Demanda Bonnet un peu rasséréné, mais auquel l'appétit faisait complètement défaut. C'est bien simple. Nous nous sommes emballés comme des enfants. Rappelez-vous bien ce qu'il a dit au commandant et au docteur. Il n'a jamais été question de trésors tout trouvés et existants d'avance. Il leur a parlé d'un endroit où la roche renfermait de l'or. N'a-t-il pas dit qu'il fallait un marteau ? Tiens, c'est vrai, fit Tanguy. Eh bien, nous avons rencontré plus que nous ne cherchions, puisque la certitude qu'un trésor existant aux mains des Aramichos est désormais acquise. Nous sommes arrivés en retard. C'est d'autant plus dommage que la cachette pouvait, d'après ses dimensions, contenir plus de 150 kilos d'or. Mais les oiseaux étaient dénichés, et cette belle pépite que nous avons ramassée ici a certainement été perdue par eux pendant leur fuite. Tout porte à croire que la famille de notre prisonnier l'a sacrifié dans la pensée qu'il avait révélé le secret de ce trésor tandis qu'en réalité, il n'avait parlé que de filons à exploiter. C'est encore vrai. Ce meurtre inutile nous importe peu. L'essentiel était pour nous d'arriver ici. Or, savez-vous bien ce qu'est la roche qui compose cette caverne? Ma foi, non. Eh bien, c'est du quartz aurifère, le plus riche peut-être qui existe en Guyane. Pas possible, mais alors rien n'est perdu. Les richesses enfouies dans ce quartz nous sont pour le moment aussi inutiles qu'une propriété dans la lune. Il faut, pour broyer tout cela, des marteaux pilons, des machines à vapeur, des bras en quantité, des provisions, que sais-je encore. Alors qu'est-ce que tu nous racontes? Reprirent les forçats, tombés encore une fois du haut de leurs illusions. Voici. La présence des quartz indique la proximité de terrains friables, facilement exploitables et renfermant de l'or en grains ou en poussière. Nous n'avons plus qu'une chose à faire, au cas fort probable, où nous ne retrouverions pas les aramichos, c'est d'exploiter les terrains et de devenir nous-mêmes d'honnêtes chercheurs d'or. Le métier n'exige ni une grande mise de fonds, ni une grande intelligence, quand une fois la veine est trouvée. Qu'est-ce que ça peut bien rapporter? Un ouvrier ordinaire peut gagner 150 à 200 francs par jour. Mais comme nous sommes sur un point d'une opulence extrême, il nous est raisonnablement permis d'espérer tripler, quadrupler cette somme. À la bonne heure, tout va bien alors, et tu es véritablement un homme de ressources. Puisque nous sommes bien restaurés, nous n'avons plus que faire ici. Il nous reste à déguerpir. Le plus tôt sera le mieux. La conversation avait eu lieu jusqu'alors à voix très haute, afin de dominer le bruit du torrent dont les flots pressés battaient sans relâche leur lit de roche. L'aventurier fut étonné tout à coup de la sonorité inaccoutumée de ces paroles. Les Indiens et les trois Blancs firent la même remarque. Le grondement de la crique s'apaisa peu à peu et le silence devint bientôt complet. « Qu'est-ce encore ? » dit le chef inquiet et alarmé, en saisissant une torche près de s'éteindre. Il s'avança rapidement vers le fond de la grotte et s'arrêta, frappé de stupeur, à la vue du lit de la crique entièrement vide. La cascade avait cessé de couler. Les roches immergées tout à l'heure apparaissaient luisantes et exhalaient cette odeur particulière d'humidité récente, bien caractéristique, laissée par les cavités brusquement taries. Il revint en courant plein d'angoisse. « Sortons, au plus vite, je ne sais ce qui se passe, une catastrophe nous menace, allons, en retraite !» Il reprit la tête de la colonne, enfila le chemin conduisant à l'entrée et s'emba donner de la tête contre une masse énorme de roches qui l'obstruait. Un frisson glacé le secoua de la tête aux pieds. « Nous sommes perdus, » murmura-t-il, « si nous ne trouvons pas d'issue, la grotte est fermée !»